La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, des machines pourront-elles apprendre le bien et le mal ? Régulièrement, les journaux nous informent que l'intelligence artificielle bat l'intelligence humaine dans certains secteurs ou dans certaines activités, comme les jeux d'échecs ou de go. En d'autres termes, le silicium écrase parfois le neurone. Nous sommes donc, nous autres les humains, des êtres imparfaits, limités, du moins en certains domaines, et nous ne pouvons pas prétendre que nous ne le savons pas. Dès lors, allons-nous abandonner notre idéal d'autonomie et préférer nous confier à la perfection de machines qui pourraient nous relayer, qui pourraient choisir et décider à notre place? La question n'est évidemment pas simple du tout, notamment parce qu'il existe une grande diversité de machines numériques aux statuts différents. Ordinateurs, robots, applications, logiciels. Certaines de ces machines apprennent, d'autres se contentent d'exécuter un algorithme invariable fixé à l'avance, d'autres encore interagissent constamment avec l'utilisateur, quelques-unes ne communiquent jamais avec l'homme, etc. Ce qui est sûr, c'est que ce profil-là a une nouvelle donne, nouvelle au point que certains en viennent à poser des questions impressionnantes telles que celle-ci. Les machines pourraient-elles se voir dotées de la capacité d'avoir des jugements moraux ? Pourraient-elles se substituer à l'homme en tant qu'agent moral ? Pourraient-elles punir ou être punies ? De telles interrogations sont-elles fondées ? Si oui, comment les traiter ? Mais au fait, sont-elles vraiment nouvelles ? Tel est le programme garantie non informatique de notre conversation scientifique d'aujourd'hui que nous allons mener avec notre invité qui n'est autre que Alexis Greenbaum. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alexis Greenbaum. Je vous avais reçu pour parler de mécanique quantique il y a quelques années. C'est l'une de vos spécialités. Vous vous intéressez parallèlement aux questions éthiques posées par les nouvelles technologies. Et vous venez de publier aux éditions Des Clés de Brouwer un livre impressionnant dont le titre est « Les robots et le mal ». Alors, vous citez dès les premières pages une couverture de la revue The Economist qui date de décembre 2009 qui montre Adam et Ève, figure que nous connaissons bien, avec non pas une pomme mais un Apple, c'est-à-dire un iPhone. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette transformation, cette nouvelle façon de présenter le bien et le mal? C'est une vue d'artiste, mais une vue très réussie. Adam et Ève, la métaphore du bien et du mal, la métaphore de la condition humaine. Adam et Ève qui sort du paradis et qui retrouve ce monde que nous, les hommes, connaissons depuis, dans le mythe. Et donc, comment l'objet technique, comment cet iPhone, comment cette machine numérique change-t-elle la condition humaine? Quelle notion de bien, quelle notion de mal introduit-elle ou dans le monde, dans la vie des hommes? C'est ça la question derrière, évidemment, cette couverture magnifique qui date de 2009. Donc, on n'a pas vraiment, à l'époque, on ne parlait pas tellement d'intelligence artificielle encore, mais l'artiste anglais qui a fait cette couverture a déjà posé la bonne question. C'est la définition même de la réflexion éthique sur l'intelligence artificielle. Alors, je vous propose qu'on prenne des exemples. Il y en a un qui est beaucoup discuté depuis quelques semaines. C'est l'exemple de la Chine avec des expériences qui sont menées et qui visent à attribuer à tous les citoyens une note sociale qui serait donc mesurée ou attribuée par des systèmes d'intelligence artificielle. Et si on considère qu'un tel système est sinon satanique, du moins orwellien, qui en est responsable? Les ingénieurs, les caméras, les ordinateurs, le gouvernement? Alors, il faut savoir plusieurs choses à propos de ce système chinois. La première, c'est que ça ne marche pas très bien. Au jour où nous sommes, le système n'est pas parfait. Donc, on parle plutôt dans les médias occidentaux de l'image idéale de ce système le jour où il marchera comme prévu, comme annoncé par les concepteurs. Là où nous sommes aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. Par exemple, ce système a reconnu récemment une affiche publicitaire au bord d'un bus pour être une vraie personne peinte sur cette affiche. Et donc, évidemment, ça a créé tout un scandale parce que c'était une femme d'affaires très connue en Chine dont le visage est apparu sur les écrans dans la ville en disant « Vous avez traversé une route au feu rouge, madame !» Sauf que madame n'était absolument pas là. Donc voilà, il y a plein de raisons pourquoi ça ne marche pas tout à fait aujourd'hui. Mais deuxième chose à savoir... Vous dites que le système n'est pas parfait, ça veut dire qu'il pourrait l'être ? Ça veut dire que le système pourrait être perfectionné, peut-être ne pas devenir parfait comme nous l'imaginons ou comme les journalistes en parlent par exemple dans le New York Times, dans les articles que nous lisons très régulièrement à propos de ce système. Mais quand même, il y a des vraies questions derrière. La question... c'est comment change, encore une fois, la condition humaine en présence de ce système de classement social. C'est-à-dire une personne qui, par exemple, ne pourra plus prendre le train pour aller voir, ou l'avion pour aller voir sa famille, parce que cette personne n'a pas remboursé un crédit. Quel genre de société cela crée ? Quid de l'autonomie humaine ? Quels sont les flux d'informations, les flux décisionnels dans cette solution, dans cette société-là ? C'est pas seulement que ce système ne marche pas très bien, mais c'est aussi que ce système de classement, enfin, social ou pas, c'est comme vous voulez, s'applique désormais en Chine aux chats. Alors maintenant, en Chine, il y a des logiciels qui reconnaissent automatiquement les chiens qui se promènent dans les villes ou les chiens qui se promènent dans les villes. Ils leur ouvrent les portes des endroits prévus pour les chats. Et puis, ils reconnaissent aussi les maladies. Ils vont classer les chats en fonction de leur état de santé. Donc, vous voyez, ce même logiciel de reconnaissance visuelle peut servir à faire des classements et des classements, pas que des hommes, mais une société de chats, un classement social d'animaux dans les villes, par exemple. Donc, ça va très, très loin et sûrement au-delà de l'imaginaire orwellien de 1984, mais vers une société que nous ne connaissons pas encore. Mais est-ce que j'ai le droit de dire que ce système, s'il était parfait du point de vue de son efficacité, serait quand même mal, mauvais, malicieux ? Alors, certainement, ce système provoquerait des conflits. Le système en soi, je ne pense pas, après avoir parlé avec des collègues chinois de ce système, la société chinoise ne le perçoit pas comme un mal. Ça, c'est un point de vue occidental. Très intéressant d'ailleurs, cette dépendance culturelle de ces notions de bien et de mal. Mais clairement, ce logiciel provoquerait et provoque déjà des conflits. Par exemple, une personne ne peut pas prendre le train, etc. Donc des conflits éthiques, des conflits moraux. Et la question, c'est qui en est responsable ? Est-ce que c'est l'homme politique qui a décidé d'utiliser tel logiciel dans telle région chinoise ? Est-ce que c'est le concepteur qui n'a pas prévu toutes les conséquences ? Sans doute, on ne pourra pas dire que ce n'est que le politique qui est responsable et l'ingénieur n'y est pour rien. Alors, le même type de question se pose à propos d'un accident dramatique qui s'est produit le 18 mars 2018, à propos d'une voiture autonome. Une voiture de la société Uber, complètement autonome, a renversé une dame qui traversait la rue dans une ville de l'Arizona, je crois. Tout à fait. Est-ce que ces questions éthiques se sont posées de la même façon ? Qui est responsable ? Oui, alors, c'était la première mort provoquée par un algorithme, carrément. Donc, effectivement, l'accident a fait le tour des unes de tous les médias du monde. Il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que le logiciel a reconnu un obstacle, mais il ne l'a pas identifié comme un être humain qu'il fallait absolument protégé. Donc le logiciel qui fonctionne avec de l'apprentissage machine donc n'a pas correctement identifié le niveau de danger, la cible, etc. etc. La question de la responsabilité a été aussitôt engagée, bien sûr, et il semblerait que ce cas n'ira pas jusqu'à un tribunal, parce que ça a été réglé entre Uber et la famille de la victime en privé. Et donc, on n'aura pas de jugement de responsabilité provenant d'un tribunal américain, ce qui aurait été un précédent juridique. Alors, est-ce que ces questions éthiques dont nous parlons, il y a d'autres exemples, je pense, qui arriveront dans la suite de l'émission, est-ce que ce sont des questions radicalement nouvelles ? Ou est-ce qu'elles ne font que recycler la vieille question du statut de la technique, la question des conséquences morales du progrès technique ? Ce qui est nouveau, c'est la technologie. Alors, effectivement, on n'a jamais vu ces systèmes qui, par apprentissage, par imitation, peuvent créer de la conversation, reconnaître des images, des visages, jouer au jeu, peuvent aider l'homme à faire tout un tas de tâches. Donc, la donne technique est nouvelle. Moi, je pense que les questions éthiques et la réflexion sur les problèmes et les conflits éthiques que ces technologies créent ne peut que s'inscrire dans la continuité de la réflexion éthique qui va bien au-delà de l'intelligence artificielle ou des 20 dernières années. Est-ce que c'est la raison, Alexis Greenbaum, pour laquelle vous sollicitez autant les mythes dans votre livre ? Oui, bien sûr. C'est bien pour cela que je cherche à sortir de la paralysie de cette nouveauté absolue. Alors on ne saurait pas où chercher une éthique nouvelle. Je cherche à sortir de cette paralysie en comparant les problèmes éthiques posés par ces nouvelles technologies avec les questions d'éthique posées dans les légendes et les mythes. Exemple ? Alors, bon, je vais prendre l'exemple central peut-être du livre. C'est un mythe que nous pouvons tous lire dans le chapitre 7 du livre de Josué. Alors, le livre de Josué, Josué est le deuxième chef d'Israël après la mort de Moïse. C'est Josué qui amène le peuple d'Israël dans la terre promise. Il traverse le Jourdain et la terre est habitée, bizarrement. Bon, alors il faut faire la guerre à ceux qui habitent en terre promise. Mais comme la terre a été promise par Dieu, par le Dieu d'Israël, la guerre ne peut être que victorieuse, évidemment. Et effectivement, la première bataille est aussitôt gagnée par le peuple d'Israël. C'est la fameuse bataille de Jéricho avec les trompettes et les murs qui tombent. Tout le monde connaît l'histoire. Par contre, peu de gens connaissent la suite. La deuxième bataille, près d'une localité qui s'appelle Haï, ou Haï, est perdue. Alors, Josué, du coup, quand il reçoit cette nouvelle, il ne comprend pas ce qui se passe. Il se prosterne devant l'Arche de l'Alliance, déchire ses vêtements, il parle avec Dieu jusqu'au tard, le soir, et lui demande pourquoi et comment était-ce possible que pour cette terre promise par Dieu, ils ont perdu une bataille. Alors Dieu lui répond en disant « c'est que quelqu'un parmi les tiens, parmi Israël, quelqu'un a violé un interdit que je vous avais donné de prendre possession d'un objet appartenant à ceux qui habitaient déjà en terre promise. » Et donc effectivement, quelqu'un a pris un objet. Alors Dieu dit « va, trouve le coupable et puis il suffit de trouver le coupable, de le mettre à mort et vous retrouverez ma bonne grâce. » Josué donc doit le faire. Mais le Talmud suppose que Josué, bon, comme il est resté jusqu'à très tard à parler avec Dieu devant l'Arche de l'Alliance, il a pensé quand même à poser cette question à Dieu. Mais qui est le coupable? Qui est cet individu qui a pris un objet appartenant à des populations antérieures de la terre promise? À quoi Dieu répond « Vechi delatorani, mais suis-je délateur? Va et jette les dés. » Alors évidemment, Dieu, dans le mythe, Dieu est censé savoir qui est ce coupable. Mais Dieu ne le dit pas. Il répond à Josué par cette phrase énigmatique « Mais suis-je délateur? Va et jette les dés. » Il faut essayer de comprendre ce que cela signifie. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite pour le... Je termine l'histoire quand même. Alors Josué jette les dés tombent sur un certain Akan. Akan d'abord se révolte. Il dit « Mais Josué... tu établis la justice par cette procédure de tirage au sort, mais tu comprends ce que tu fais ?» Josué, très tranquillement, lui répond « Je te prie à vous, parce que par cette même procédure sera partagée la terre promise entre les tribus d'Israël. » Et Akan aussitôt comprend que l'enjeu n'est pas du tout celui de sa vie ou de sa mort, mais de la confiance qu'accorde le peuple à cette procédure, tu tirage au sort. Et à quand, à vous, il est mis à mort, il est brûlé, etc. Fin d'histoire. Donc ce que je vais interpréter maintenant, ça n'est pas la fin de l'histoire, mais c'est la phrase de Dieu. Pourquoi va et jette les dés? Quelle est la valeur de ce hasard? Alors, la valeur du hasard ici, c'est que Dieu ne souhaite pas être délateur, ne souhaite pas se mêler, ne souhaite pas entrer dans le conflit déjà existant, le conflit, une bataille perdue, où il y a un coupable, il y a des gens qui vont rendre justice. Donc Dieu ne veut pas être un agent informateur, celui qui donne le renseignement et donc être jugé. Et donc Dieu se soustrait à cette justice, à ce jugement, par un outil fantastique, un outil qui est le hasard. Le hasard sert à sortir, à soustraire cet être qui est Dieu dans le mythe de la justice, du jugement, du bien et du mal, et finalement de l'éthique humaine. Et ce que je dis pour, par exemple, la voiture autonome ou pour plusieurs autres technologies, et je pourrais maintenant prendre peut-être un exemple, c'est que le tirage au sort, le hasard, est un outil qui permet de soustraire la machine au jugement éthique, au jugement du bien et du mal. En garantissant une forme d'équité, finalement. Non. Sur... On se met d'accord sur la procédure, ce qui empêche de pouvoir juger. Vraiment, en évacuant complètement la machine du champ de cet ensemble des agents moraux. La machine, elle n'est pas équitable, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, elle est hors éthique. Elle est juste en dehors. C'est un autre type d'agent. Alexis, prenons un exemple pour appliquer ce que vous dites là, puisque cette notion de hasard, c'est une partie centrale de votre livre, hein, de votre argumentation. Prenons l'exemple de la voiture autonome ou du paradoxe dit, enfin, du dilemme du tramway, un tramway, voit enfin des freins qui lâchent, il doit faire un choix. Est-ce que l'intervention du hasard permettrait de résoudre le conflit éthique que pose cette situation? Je le crois. J'aurais aussi un exemple peut-être plus simple à vous proposer. Commençons par la voiture autonome. La voiture autonome doit faire dans quelques situations très rares. Ces situations, c'est peut-être un millionième de cas, mais peu importe. Ces situations sont rares, mais très importantes moralement. Doit faire un choix entre deux trajectoires qui sont toutes les deux mauvaises. Par exemple, il y aura une personne morte sur la première trajectoire et trois personnes mortes sur la deuxième trajectoire, et il n'y a pas de solution qui soit bonne ou neutre. Il faut choisir entre le mal et le mal. Alors, comment faire? Il y a plusieurs types de solutions. Les gens disent, bon, la voiture autonome devrait calculer une fonction parce qu'elle ne sait que calculer, c'est une machine. Donc forcément, elle doit calculer. Alors calculons par exemple l'âge des personnes et laissons en vie les personnes qui auront le plus longtemps à vivre en moyenne. Les plus jeunes. Puis on peut faire ça aussi avec le coefficient intellectuel, avec le quotient intellectuel. On peut faire ce genre d'argumentation avec, par exemple, vos amis sur Facebook. Les amis du conducteur sur Facebook doivent être sauvés. Et les autres, c'est pas grave, on les met à mort. Vous voyez que tout ce calcul moral, c'est un calcul monstrueux moral, éthiquement. Quelle que soit la fonction qu'on encode derrière. Puis il y en a d'autres qui disent, on va demander au peuple. On va faire un sondage et selon ce que dit le peuple, on va choisir telle ou telle trajectoire. Alors déjà, ils ont fait pas mal de sondages. Ils ont trouvé que le peuple, par exemple en France, le peuple français ne dit pas du tout la même chose que le peuple brésilien ou chinois. Donc il y a des différences. Et évidemment, la voiture autonome ne va pas demander d'abord « Mon passager, est-ce un chinois ou un brésilien ?» Peut-être que je devrais changer mon comportement. Mais ça veut dire que si on exporte ces voitures, il faudra changer le logiciel. Oui, ou même si simplement un taxi à Paris est pris par un touriste chinois, ce taxi doit se comporter différemment. Mais bien sûr que c'est pas réalisable. Et deuxièmement, cette solution, c'est exactement ce que fait Ponce Pilate dans le mythe biblique que vous connaissez. Ponce Pilate, quand il se lave les mains, donc l'épisode célèbre, il demande au peuple de choisir qui sera mis à mort. Un vilain, Barnabas, ou donc Barabbas, ou Jésus. Et le peuple crie, vous savez, l'histoire du Nouveau Testament, le peuple crie, bon, Jésus, et puis Jésus est mis à mort. Et donc, ceux qui proposent de faire un sondage, de demander au peuple, ils font exactement la même chose que ce que fait Ponce Pilate, avec tout le jugement moral qu'on porte là-dessus. Ce que je dis, moi, c'est que dans la situation où la voiture autonome détecte ce conflit, ce qui est déjà un problème, comment détecter ce conflit, mais dans la situation où elle détecte ce conflit, elle doit se soustraire du champ des agents moraux. Ce n'est pas elle de faire un jugement. Donc, elle doit choisir au hasard, parce que c'est le hasard, c'est cet instrument qui permet à la voiture autonome de ne pas faire un choix éthique. Les choix éthiques ne doivent être faits que par des hommes. Si je comprends bien, ça veut dire que la question du bien et du mal doit rester uniquement du côté des hommes, et la machine n'a pas à intégrer d'une quelconque façon cette séparation. Je vais peut-être prendre un exemple très court et beaucoup moins dramatique pour vous répondre à cette question. Il y a quelques mois, on a vu un changement très intéressant dans le logiciel qui complète les phrases chez Google. Quand vous commencez à taper une phrase, par exemple, vous utilisez la messagerie électronique, la phrase est complétée automatiquement par une proposition qu'une intelligence artificielle, qu'un logiciel d'intelligence artificielle vous soumet. Et donc, on a vu que les pronoms genrés, il ou elle, ne sortaient pas toujours correctement. Parfois, ingénieur, c'est elle et pas il, ça dépend. Et donc, le logiciel se trompait. Alors, la firme qui produit ce logiciel a décidé que c'était vraiment très grave comme problématique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement arrêté la fonction. Donc, désormais, ce logiciel n'utilisera plus jamais les pronoms genrés. Il ne dira plus jamais il ou elle. Au lieu de dire comment va-t-il, il dira comment ça va. Donc, on a simplement jeté à la poubelle tout un pan de langue naturelle. Nous disons il ou elle tout le temps. Ce que je propose, c'est que au lieu de conduire à la déchetterie la voiture autonome, au lieu de jeter à la poubelle cette fonctionnalité déjà développée, et qui est une fonctionnalité tout à fait intéressante et importante, il faut définir un seuil de conflit et au-delà de ce seuil de conflit, tirer au hasard. Mais donc, en l'occurrence, ça voudrait dire tirer au sort le fait qu'on a il ou elle. Tout à fait. Ce qui serait pas très satisfaisant. Et intéressant. Non, et informer en même temps l'utilisateur que il ou elle a été tiré au sort. Donc, c'est ça la solution qui permet à la machine de ne pas devenir un agent moral, de ne pas faire un choix chargé éthiquement à la place de l'homme. Mais est-ce qu'on pourrait pas demander simplement à l'homme qui écrit de faire ce choix ? Oui, à ce moment-là, on peut simplement arrêter la fonction de complétion pas. Automatique et dire, voilà, dans ce cas-là, on ne complète pas. Mais si on veut maintenir l'interaction avec la machine, si on veut maintenir cette fonction dans la machine, et moi je veux qu'elle soit maintenue, je ne veux pas la jeter à la poubelle, la machine, dans certains cas, doit tirer au sort. Alors, on assiste tous à l'émergence de machines de plus en plus nombreuses qui parlent. D'où vient que ces machines nous fascinent ? Qu'est-ce qui fait que, quand un organisme, disons, inerte, prend la parole, il y a quelque chose en nous qui se déclenche ? Oui, vous pensez probablement au mythe des statues parlantes de Frankenstein, de tous ces êtres artificiels de la parole non humaine, dotés de cette parole non humaine. C'est cela qui fascine. Qu'un être non humain puisse parler en langue humaine, c'est à la fois non naturel et puis c'est connu depuis des temps mythologiques. Bien avant les robots. Bien avant les robots, les dieux, les démons, les anges, les statues. Aujourd'hui, les machines. Donc aujourd'hui, on a conçu et créé un individu qui est capable de parler de façon autonome et qui n'est pas humain. Est-ce qu'il n'y a pas une différence avec les figures du passé dont vous parlez, qui est que le robot ne comprend pas ce qu'il dit ? Enfin, est-ce que j'ai le droit de dire qu'il ne comprend pas ce qu'il dit ou est-ce que je suis naïf en disant cela ? Oui, enfin, je pense que quand vous avez lu le livre, vous voyez bien où je vais. Je me mets donc, à la place de l'éditeur. Donc, ce que je dis dans le livre, c'est que cette question de compréhension, en fait, n'est pas une question centrale, c'est un leurre. Bien sûr que la machine ne comprend pas, la machine n'est pas un homme, elle n'a pas de conscience, donc elle ne comprend pas dans le même sens que l'homme comprend, mais pourtant, elle peut créer une illusion quasi parfaite, voire même parfaite, de compréhension. Elle peut se comporter comme si. Et en fait, avec la compréhension, comme avec quelques autres propriétés, ce comme si la machine comprenait, devient souvent indistinguable de la, entre guillemets, de la vraie compréhension. Et il suffit de faire comme si. L'utilisateur ne saura pas reconnaître la différence. Donc c'est pour ça que est-ce qu'elle comprend ou est-ce qu'elle ne comprend pas n'est pas une question qu'il faut poser, qu'il faut vraiment mettre au centre de cette réflexion éthique. C'est-à-dire que c'est un langage qu'il faut entendre comme s'il était indépendant de sa source ? Parce que ce langage ne vient pas de nulle part, il vient du fait que le robot a appris des phrases grâce à des données gigantesques, et donc il y a quand même une source qu'il faudrait oublier quand on l'entend parler. Ce langage vient de l'imitation, bien sûr. La machine apprend en imitant les textes qui lui sont fournis par les entraîneurs, qui choisissent les bases des données, et sélectionnent les conversations, les textes à partir desquels elle apprend. C'est un travail très important, sélectionner les bases de données, parce que, bien sûr, si dans les bases de données, il y a des injures, il y a des conflits qui émergent, la machine va les répéter sans les comprendre. Il y a des machines qui ont craché des injures assez rapidement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on met un agent conversationnel sur Internet, très souvent, vous lisez en bas, attention, cette machine peut produire du langage, disons, qu'on ne prononce pas à l'antenne de France Culture. Ça veut dire que il faut créer une sorte de censure des données? Non, ça veut dire que il faut, encore une fois, créer une couche qui détecte les conflits dans la machine et une couche d'apprentissage qui détectera les conflits et si possible les évitera. Mais vous avez raison, il ne sera pas possible d'éviter complètement ces conflits parce que la machine imite sans comprendre. La machine peut imiter de façon très très efficace. Aujourd'hui, la machine peut écrire un roman, une petite nouvelle, peut écrire un article de journal que vous ne serez pratiquement pas distingué d'un vrai article de journal écrit par un journaliste ou d'un roman écrit par un écrivain. Et ça, c'est un problème profond parce que le mésusage, du coup, devient très facile. On peut multiplier les fake news autant qu'on veut. On peut créer aussi du langage non humain, des phrases qui n'ont jamais été dites par un homme, mais qui nous semblent tout à fait raisonnables. Et pourtant, elles nous guident vers un certain choix. Elles nous incitent à faire ceci ou cela. Donc il y a plusieurs problèmes éthiques que posent les agents conversationnels, ce qu'on appelle les chatbots, et ces problèmes sont à la fois nouveaux et pas nouveaux, parce que cette histoire de parole non humaine, encore une fois, n'est pas du tout originale. Cette histoire de la parole non humaine se réfère au dieu, au démon, au statue parlante, à Frankenstein et tant d'autres. Alexis Grimond, vous dites qu'il y a une homologie entre science et mythe. Et pour donner corps à ce concept, je propose que nous écoutions le morceau de musique que vous avez choisi. Alexis Grimond, quel est ce morceau? C'est une sonate de Beethoven, mais laquelle? Et pourquoi l'avez-vous choisie? Et en quoi éclaire-t-elle cette notion centrale dans votre livre qui s'intitule « Les robots et le mal » qui s'appelle « L'homologie ». C'est une sonate de Beethoven jouée par Richter et par David Oistrakh, donc deux interprètes soviétiques magnifiques, vraiment peut-être pas dépassés depuis cette interprétation. Vous êtes soviétique et non pas russe? Alors, je suis né en Union soviétique, j'ai grandi en Russie et ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté la Russie pour la France, mais bien sûr, la musique russe et ses interprètes du XXe siècle restent pour moi très chers et très importants. Mais j'ai choisi ce morceau de cette sonate de Beethoven pour illustrer la méthode du livre. Alors, dans la sonate, vous entendez au début du morceau la même mélodie jouée au piano et puis répétée aussitôt après par le violon. On va la réentendre. Il y y a en effet le violon qui répète ce que fait le piano. Vous entendez le même motif. Alors, ce motif, en fait, est exprimé physiquement par des fréquences du son, par des amplitudes, des ondes acoustiques totalement différentes, parce que quand le piano joue ou quand le violon joue, ce n'est pas du tout le même son physiquement. Et pourtant, vous n'avez aucune difficulté à reconnaître la même mélodie, le même motif derrière. Et ce que je dis, c'est qu'il faut faire la même chose avec les nouvelles technologies et le mythe. Les deux contextes sont très différents. On ne peut pas dire que les technologies, c'est de la mythologie ou inversement. Non, non, non, pas du tout. C'est comme le piano et le violon, c'est différent. Mais derrière, il y a le même motif, la même question éthique qui est posée. On peut aller du côté du mythe pour apprendre, essayer en tout cas d'apprendre comment cette question éthique est résolue dans le mythe, ou en tout cas comment elle est pensée dans le mythe. Et puis, à travers ce même motif, essayer de transposer, si possible, cette solution dans le domaine des nouvelles technologies. Si je comprends bien, la mélodie, c'est le motif. Le piano et le violon sont différents, mais sont reliés par une sorte d'homologie qu'on retrouve dans les liens entre la science et les mythes aujourd'hui. Oui, alors j'utilise ce terme homologie avec un H donc, et non pas analogie. Parce que souvent on le confond avec analogie justement. Oui, exactement, mais je veux souligner ici l'absence d'identité entre les deux. Donc la science n'est pas la même chose que le mythe ça n'est pas la même chose que la science, et pourtant elle a des motifs communs, des motifs, je pense, d'ordre anthropologique, et ces motifs permettent, une fois qu'on a dégagé une question éthique du côté des nouvelles technologies, de voir si le motif fondamental derrière cette question éthique n'existe déjà dans le mythe, et probablement il existe quelque part. Il faut chercher le mythe où ce motif apparaît. Puis il faut apprendre à résoudre, à réfléchir à propos de cette question du côté du mythe, et si possible, transposer cette réflexion ou même cette solution dans le domaine des nouvelles technologies. Si on détecte un conflit éthique, il faut chercher le mythe qui permet d'avancer dans la résolution de ce conflit. Et c'est ce que je viens de faire avec Achan. J'ai raconté un morceau de mythe biblique à propos d'Achan et du tirage au sort que propose Dieu. Cela illustre bien la valeur éthique du hasard. Et donc, une fois qu'on a appris à quoi sert le hasard éthiquement, on pourrait peut-être appliquer le tirage au sort comme un outil de solution des conflits éthiques, solution là, entre guillemets, en quelque sorte, des conflits éthiques du côté des nouvelles technologies. Donc comment apprendre la valeur du hasard ? Bah, regardons du côté du mythe. Ou de la Bible, puisque y a des tirages au sort dans la Bible, notamment du bouc émissaire. Oui, effectivement, l'histoire du hasard dans les mythes est très longue, il n'y a pas que Achan et ce tirage au sort du dieu qui ne veut pas être délateur. Il a aussi le choix du bouc émissaire. Il a deux boucs, je rappelle, il a deux boucs qui sont amenés au temple et le grand prêtre tire au hasard pour choisir un bouc qui sera sacrifié à Dieu et l'autre envoyé à Azazel. C'est aussi le tirage au sort qui précède, en quelque sorte, l'opposition binaire entre le bien et le mal. Parce que c'est seulement quand un bouc est sacrifié à Dieu et l'autre a envoyé à Azazel, dans le mythe, qu'on comprend que l'un sera associé avec le mal et l'autre avec le bien. Mais la procédure du tirage au sort, en soi, n'est pas bonne ou mauvaise. Elle précède cette identification. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, je l'ai dit, Alexey Emmanouil, vous êtes à la fois physicien, philosophe, vous avez des références donc multiples, vous êtes spécialiste des fondements de la mécanique quantique, et vous citez par exemple Alexandre Grothendieck, qui dans son livre fameux « Récolte et semaille » décrit ce qu'il appelle la co-homologie motivique. Pour le dire en une phrase, il dit que le motif, l'équivalent de la mélodie pour la musique, apparaît comme le plus profond invariant de la forme. Ça veut dire que les mythes, d'après vous, transportent des questions qui, d'une certaine façon, sont invariantes. Oui, là, nous rentrons dans un domaine que j'essaie de comprendre, j'essaie de creuser, mais je n'ai pas sans doute encore complètement saisi, complètement compris cette donne anthropologique qui me semble très profonde. Qu'est-ce qui est ici le motif? C'est l'élément fondamental de cette réflexion éthique que nous menons dans le monde des nouvelles technologies, avec l'iPhone, avec la voiture autonome, avec les agents conversationnels, apparaissent ces questions éthiques. Et dans ces questions éthiques, derrière se cache le motif fondamental, le motif, alors quels sont les motifs, la nouveauté par exemple, le motif de contrôle ou de la responsabilité ou de la ou du perfectionnement, il peut y avoir plusieurs motifs. Ces motifs ne sont pas spécifiques au monde des nouvelles technologies, on les retrouve dans les mythes. Et ce que dit Grothendieck, c'est qu'il faut chercher cet invariant le plus profond de la forme, et j'ajoute déjà moi, de la forme de la réflexion éthique. Grothendieck, lui, parle bien sûr des mathématiques et non pas de l'éthique. Mais l'idée de Grothendieck que j'essaie de reprendre à mon compte, c'est qu'il faut toujours chercher l'invariant le plus profond de la forme qui nous paraît nouvelle, originale, unique. Et c'est par cet invariant profond qu'on pourra faire des liens avec d'autres domaines. Alors vous citez un autre Alexei, qui est Alexei Lotsev, un philosophe russe du XXe siècle, et qui dit des choses assez semblables à ce que vous venez d'énoncer, Alexei Greenbaum. Je le cite, « Il n'est pas possible de dire que le mythe serait une fiction ou un jeu de fantaisie. Le mythe est la réalité la plus élevée dans sa mesure du concret, la plus intense et la plus ardente. Ce n'est pas une fiction. » C'est la réalité la plus vive et la plus authentique. Bien loin de tout ce qui est arbitraire ou aléatoire, c'est une catégorie absolument nécessaire à la pensée et à la vie. Merci d'avoir lu. J'imagine que vous vous inscrivez dans cette filiation. Tout à fait. Oui. Russe. Oui, russe et aussi néoplatonicienne. Lotsev, qui n'est pratiquement pas traduit en français, mais qui est lu par tous les Russes, tous les philosophes, mais même... Il a écrit un livre qui s'appelle La dialectique du mythe. Il a écrit dans les années 20 ce livre magnifique, La dialectique du mythe, et il en a écrit plein d'autres. J'espère qu'on lira un jour des traductions françaises. C'était un philosophe très important qui a survécu sous Staline, vraiment... il a vraiment influencé tout ce qui se passe dans la vie intellectuelle russe aujourd'hui. Alors, Lotsev parle du mythe, de cette notion de mythe, pour distinguer la signification quotidienne, habituelle, triviale de ce mot. Le mythe comme une fable, le mythe comme un faux, comme une histoire fausse. Hein, quand on dit c'est un mythe, ça veut dire que c'est faux. Lotsev dit non, tout cela n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le mythe, c'est cette réalité vécue par ceux qui sont dedans. Hein. Elle est vécue comme vraie. Et on ne peut pas dire qu'on est sorti du mythe. Évidemment, on peut ne pas croire dans un mythe ou une histoire donnée. Mais le mythe nous entoure toujours, c'est comme cela que fonctionne la conscience humaine, donc elle est toujours mythologique dans un certain sens. Et c'est pour cela que la pertinence des mythes pour la réflexion morale, l'éthique, reste toujours avec nous. Quels que soient les mythes, les mythes peuvent être de grecs, peuvent être vétérotestamentaires, c'est-à-dire l'Ancien Testament, venir de l'Ancien Testament, elles peuvent provenir du Nouveau Testament, elles peuvent provenir des cultures différentes, mais la continuité de l'histoire humaine, de la réflexion sur les questions morales, les questions aussi politiques d'ailleurs, cette continuité n'est assurée que par une conscience qui est dans le mythe et qui a déjà réalisé sa place, a compris, a saisi sa place au sein d'un mythe. Mais est-ce que j'ai le droit de dire que l'intrusion de la technologie aujourd'hui n'a jamais été aussi intense et que du coup, la technologie semble désormais transcender la dimension de l'action individuelle de chacun d'entre nous? On a peu de pouvoir sur la technologie, et même elle transcende l'action collective. Est-ce qu'on peut dire donc que la fonction anthropologique de la technique serait celle d'une nouvelle divinité, d'un sacré non-religieux, comme le propose Jean-Pierre Dupuis, que vous citez également? Alors je n'irai peut-être pas jusqu'à dire nouvelle divinité, mais sur le plan anthropologique, non pas religieux, je veux distinguer, et je le fais dans le livre, je veux distinguer deux types d'agents, et une sorte de frontière d'opacité qu'on ne peut pas transcender, qu'on ne peut pas dépasser. L'utilisateur, en effet, interagit avec une machine toujours à travers une interface. Alors, une interface graphique, un écran tactile, un clavier, mais toujours une interface. L'utilisateur ne sait pas ce qui se passe derrière cette interface. Alors, il y a le cœur calculant, il y a la mémoire, mais quels sont les états de mémoire, quelles sont les procédures qui tournent, tout cela, l'utilisateur l'ignore, il ne le sait pas. Donc, il y a une sorte de boîte noire. C'est une boîte noire, en quelque sorte, tout à fait, et cette opacité, elle est fondamentale, surtout pour les algorithmes apprenants. Du moment où il y a l'apprentissage, l'opacité ne peut pas être supprimée, on ne peut pas effacer cette opacité, cette ignorance fondamentale. Et à ce moment-là, une nouvelle division du monde, une nouvelle division anthropologique et sans doute aussi religieuse, peut-on dire, entre les utilisateurs, ceux qui ne savent pas, et puis les programmeurs ou les concepteurs, ceux qui savent, les experts. Cette division reprend les traits de la division du monde qu'on connaît dans les religions entre les prêtres et les profanes. Donc c'est la même division, mais cette identité ici, elle est plus anthropologique qu'une question de la foi. Hein. Je ne parle pas de la foi. Mais même les programmeurs ou les codeurs ou les concepteurs ne savent pas tout de ce qui se passe dans une machine. Tout à fait. Notamment dans les machines dites intelligentes, dans lesquelles il y a de l'apprentissage. Et quand un avis est donné, la machine n'est pas capable de dire ce par quoi son avis a été rendu. Absolument. C'est pour dire que cette frontière d'opacité est relative. Il n'est pas vrai que, par exemple, moi je suis... tout le temps programmeur ou tout le temps concepteur et jamais utilisateur, mais bien sûr que chacun de nous, dans certaines situations, passe du côté des utilisateurs, du côté de ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas la connaissance. Et même les programmeurs sont très souvent parmi ceux, voire même toujours lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning, même les programmeurs ne savent pas. Donc personne ne sait. On ne peut que regarder le système fonctionner, voir comment ça marche. Et à ce moment-là, le monde, effectivement, est divisé entre ceux qui n'ont pas la connaissance et ceux qui l'ont, ou même personne, par exemple, personne ne peut l'avoir. Cette division, elle a des conséquences politiques fondamentales. Et pour analyser ces conséquences, par homologie, je pense à cette autre division entre les profanes et les initiés, donc la division religieuse, et je pense aux conséquences politiques, aux conséquences éthiques de cette division du monde. Je me demande si ces conséquences ne s'appliquent pas ou ne s'appliqueront pas dans le cas des machines et du monde technologique. Ça, c'est vraiment une remarque absolument fondamentale, puisqu'on a cru à un moment que les systèmes algorithmiques pourraient être transparents. D'ailleurs, vous citez l'exemple de la compagnie Microsoft, qui avait proclamé de façon assez solennelle, je cite, que les systèmes d'intelligence artificielle doivent être compréhensibles. Et puis ils ont dû faire marche arrière, pour tenir compte des arguments que vous venez de rappeler, en disant ceci, la simple publication des algorithmes sous-jacents au système d'intelligence artificielle ne peut que rarement aboutir à la transparence de manière significative. À l'aune des techniques les plus récentes et les plus prometteuses de l'intelligence artificielle, telles que l'apprentissage profond dans les réseaux de neurones, il n'existe typiquement aucune sortie algorithmique qui soit susceptible d'aider les humains à comprendre les subtils motifs que trouvent ces systèmes. Et donc il faut abandonner l'espoir de la transparence, qui est une notion un peu journalistique d'ailleurs. Je suis contre la transparence, tout à fait, mais contre la transparence pour deux raisons que je vais maintenant essayer d'esquisser. La transparence, comme slogan politique, va rester avec nous, bien sûr. On ne peut pas l'effacer du monde, mais il faut se demander ce qu'on entend derrière. Qu'est-ce que c'est que cet appel à la transparence des algorithmes? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on souhaite obtenir? La première réponse, en tout cas on peut la tenter pour un moment, c'est qu'on veut comprendre. On cherche à comprendre. Et là, on l'a déjà dit, il se révèle que cette compréhension est impossible. On ne comprendra pas, parfois même les programmeurs ne comprennent pas, parce que nous, les utilisateurs, nous sommes derrière cette frontière d'opacité fondamentale, nous interagissons seulement avec les interfaces, et donc la compréhension ne sera pas acquise. Quand un algorithme apprend avec deep learning, personne ne peut comprendre comment ça marche. Quand un code est publié dans un journal, quel utilisateur est capable de comprendre à partir du code initial, comment va fonctionner le système dans son état final. Mais ça veut dire qu'on ne pourra jamais exercer d'esprit critique sur l'avis rendu par la machine, sur le diagnostic qu'elle pose. On ne pourra pas le faire en publiant le code des algorithmes. Je vais maintenant exposer le deuxième argument. Une fois qu'on a compris que cette première tentative ne marche pas, on ne peut pas comprendre en publiant le code, alors on se dit, peut-être la transparence, c'est une histoire de confiance. Et là, effectivement, c'est une histoire de faire confiance au concepteur, de faire confiance au programmeur. S'ils n'ont rien à cacher, qu'on pourra enfin leur faire confiance, ils ont tout publié, regardez. Alors, pour vous montrer les limites de cette approche, je vais prendre un exemple. Et cet exemple est récent, il date d'il y a quelques jours seulement. Une société californienne a développé un agent conversationnel avec ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé. Mais je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais en tout cas, cet agent conversationnel est très, très, très bon. Il produit du texte. Comme tout agent conversationnel, il produit du texte, mais ce texte est quasiment indistinguable du texte fabriqué par des humains, et en plus, il est multitâche. Il peut produire du texte pas seulement comme un service après-vente pour vous guider sur un produit donné, mais il peut tout faire. Il peut écrire dans un journal, il peut faire un roman, il peut faire des publicités en ligne, et il peut faire tout ce qu'on veut, parce qu'on lui donne un petit échantillon au début, il prolonge votre texte. Vous lui donnez une phrase, il vous en fait 100. Et c'est très cohérent. Alors, les concepteurs de ce logiciel ne l'ont pas publié, ne l'ont pas rendu transparent complètement, en disant « on a peur des mésusages ». Parce que c'est tellement bien ce logiciel, il est tellement bon, qu'il pourrait détourner facilement pour créer des fake news, pour créer des textes qui n'ont pas de sens, pour, par exemple, organiser des attaques publicitaires sur Internet. Et donc, il faut ne pas le rendre transparent pour éviter les mésusages. D'ailleurs, on connaît cet argument dans la physique nucléaire. On l'a vu aussi récemment avec l'édition du génome, avec les biotechnologies très puissantes. Donc, cette peur des mésusages nous pousse à ne pas rendre les algorithmes complètement transparents afin de garder, de préserver la confiance. Donc, vous voyez que là, la confiance, ça n'est pas de la transparence, mais c'est plutôt de l'opacité. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on donne des informations sans le savoir qui vont servir à savoir d'autres choses qu'on n'avait pas en tête. Je vais vous donner un exemple qui est tout récent lui aussi, début 2018. Une application qui s'appelle Strava, qui est une application, disons, de fitness, qui collecte les données concernant l'activité sportive des joggeurs, des nageurs, des cyclistes, etc. Et ils ont publié une carte mondiale de ces pratiques qui a permis, sans que personne l'ait vraiment voulu, de localiser les bases militaires de plusieurs pays, notamment aux États-Unis, car le personnel militaire fait plus de sport que la moyenne, et donc on a pu voir les endroits où se trouvaient les militaires, au point que la Maison Blanche a évoqué un risque pour la sécurité nationale. Tout à fait. Donc là, il faut se rendre compte qu'il y aura toujours des conséquences imprévues. Que les bonnes intentions des concepteurs ne suffisent pas. Avec le cas Strava, on est certain que les programmeurs, les concepteurs du logiciel, de l'application, n'avaient absolument pas pensé à ça. Et puis, on a découvert un jour que, il y a ce risque pour la sécurité nationale parce qu'on a révélé les endroits où sont les bases militaires. Et ce sera toujours le cas. On ne peut pas calculer toutes les conséquences. Il y aura toujours de l'imprévu. Le jugement sera fait pas seulement au moment où vous lancez le logiciel à la base de vos intentions bonnes, bien sûr, parce que personne n'a de mauvaises intentions en lançant un nouveau logiciel, une nouvelle application. Mais le jugement dépendra de ses conséquences imprévues. Et on ne peut pas, en étant concepteur aujourd'hui, savoir comment on sera jugé 20 ans plus tard, ou même 3 ans plus tard, comme dans le cas de Strava. Donc comment vivre dans ce monde? Comment concevoir cette éthique qu'on appelle conséquentialiste? dans le cas de l'intelligence artificielle et des algorithmes apprenants et des conséquences, des conflits éthiques que ces algorithmes... Ce que vous dites là, c'est que l'éthique des vertus ne suffit pas. Il suffit pas d'être moral pour que les conséquences de ce qu'on fait le soient. Clairement, si on n'est pas jugé comme une personne intègre, lucide et responsable, on ne pourra même plus publier de logiciels, développer de logiciels que tout le monde va utiliser. Les gens ne les utiliseront pas. On voit ces effets de réputation qui deviennent souvent politiques aux États-Unis, en Chine, dans plusieurs pays différents. Ces effets de réputation très importants. Mais au-delà de cette éthique des vertus, au-delà des effets de réputation, il y a le problème des conséquences. Et je n'ai pas de solution magique. Le conséquentialisme et même on parle de fortune morale. Cette fortune morale, elle est inhérente au monde des nouvelles technologies. On ne sait pas quelle sera sa fortune morale à l'avenir. Comment vivre alors dans ce monde-là? Bon, rester éveillé, bien sûr, rester lucide, d'accord, mais aussi réaliser dans le code cet outil qui pour moi est fondamental, qui permet de ne pas faire de la machine elle-même un agent moral. C'est l'homme qui doit rester responsable. Avec ces éléments, on va prendre un exemple concret. Je suis en pleine forme et je vais voir mon médecin pour une médecine de routine. Il dispose d'un algorithme couplé à des big data très nombreuses. Je me sens en pleine forme, il rentre mes données, mes paramètres, et la machine conclut que je suis malade et le médecin me dit « Vous êtes malade ?» Parce que la machine le dit. Quelle doit être ma réaction? Alors, à l'égard du médecin, je ne peux pas vous dire quelle... à l'égard de la machine, et qu'est-ce que je dois faire par la suite? Est-ce que je dois la croire? Est-ce que je fais confiance? Ou est-ce que, me sentant en forme, je me contente de cette impression pour décider que tout va bien? Première chose, ce ne sera pas une réaction basée sur la connaissance. Parce que même le médecin, souvent, on n'a pas la connaissance des raisons pourquoi la machine a dit ceci ou cela. La machine dit, bon, là, c'est bleu, donc il faut que vous soyez opéré dans les 5 jours. Là, c'est affiché bleu, là, vous voyez. Mais qu'est-ce que cela veut dire, bleu? Quel est le sens du bleu? Il est possible que le médecin ne sache même pas. Et donc, votre réaction dépendra de la confiance que vous accordez au médecin ou à la machine. Il y a des gens qui disent « Non, je ne veux pas d'aide algorithmique dans le domaine médical. Je veux que ça reste purement humain. » Mais là, on perd en efficacité parce que la machine est souvent très efficace, même plus efficace que certains médecins radiologues. D'autres disent « Bon, on va utiliser les machines, mais il faut qu'il y ait des explications humaines toujours. » Mais comment expliquer? On ne sait pas comment cela marche. Ça marche, c'est tout. Et c'est efficace, mais on ne peut pas mettre des mots humains, des mots de langue naturelle là-dessus. Alors là, vous ferez peut-être confiance au médecin ou vous direz à votre enfant, « Bon, écoute, tu décides là, je n'y comprends rien, tu décides, tu sais, tu es jeune, tu connais mieux tout cela, c'est toi qui décides. » Donc, vous voyez, on délègue l'autorité. Voilà, c'est une délégation d'autorité où vous tirez au sort, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a compris ce problème d'explicabilité, ou comme disent les informaticiens, d'interprétabilité de l'apprentissage machine. Et donc, on essaie de le résoudre, ce problème. Comment? Par exemple, bon, on ne peut pas expliquer les lectures des scans médicaux par la machine, mais on peut créer un deuxième système d'intelligence artificielle qui va écrire du texte, donc un agent conversationnel qui va écrire du texte le plus proche de l'explication qui passe, qui marche. Et donc, il y a bien sûr une certaine fonction d'optimisation, une certaine métrique. Il faut écrire 3-4 lignes de texte qui sont les plus proches des explications admises, acceptées dans le passé par d'autres médecins et d'autres patients. Et donc, ce système, il ne va pas, encore une fois, comprendre, ou entre guillemets, comprendre ce qui se passe, mais il va vous trouver un petit texte qui est le plus proche dans une certaine métrique. Qui va faire passer la pilule. Qui va vous faire illusion de compréhension, va faire passer la pilule. Est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez satisfait? Probablement oui. Alors, on verra. Là, je voudrais vous lancer un défi, Alex Rivon. Il reste quelques minutes. Et votre dernier chapitre, enfin l'un des tout derniers chapitres de votre livre m'a complètement fasciné. Il s'intitule « La chaleur comme mal ». La chaleur comme mesure du mal. Ça m'a intrigué. Et je voulais vous lancer le défi d'essayer d'expliquer en 3-4 minutes ce que vous voulez dire par là. En vous appuyant sur la théorie de l'information, la thermodynamique, les travaux de Landauer, vous avez 5 minutes. Alors, dans le dernier chapitre, je me suis permis de changer de casquette complètement. Et oui, il y a une rupture de ton. De faire un développement un peu plus poétique, mais fondé sur les arguments que j'espère tout aussi rigoureux. Donc, par exemple, dans le film Ex Machina, je ne sais pas si nos auditeurs l'ont vu, dans le film Ex Machina, Ava, une robot, dont le geek, le programmeur, bien sûr, est amoureux, comme toujours dans ces films-là, mais tout en sachant d'ailleurs que c'est un robot, Ava répond à sa question de savoir où elle irait dans une ville. Si elle pouvait aller toute seule dans une ville, où se placerait-elle, où irait-elle? Dans un carrefour. Elle dit, je me mettrais à un carrefour fréquenté, et c'est une réponse pas du tout humaine, parce que vous savez, quand vous voulez passer votre soirée en ville, vous ne vous mettez pas à un carrefour. Hein. Bon, il y a des touristes place de la Concorde quand même. Oui, ouais, d'accord. Mais, et donc, le programmeur comprend que ce qu'elle veut, la valeur pour elle, c'est d'avoir de l'information nouvelle. Sur les humains. Acquérir de l'information sur les humains, c'est comme ça, et c'est en se plaçant à ce carrefour animé, fréquenté, qu'elle pourra acquérir le maximum d'informations. Et donc, pour elle, la valeur du bien n'est pas humaine, c'est d'avoir toujours plus d'informations, pour pouvoir toujours apprendre un peu plus. Alors, ça, c'est le premier argument que je développe dans ce chapitre, un argument très bizarre. Si on parle du bien propre aux machines, ce bien n'est pas du tout humain, c'est la nouveauté de l'information. Mais alors, qu'est-ce que le mal dans ce cas-là? Et le mal, ça n'est pas seulement de l'information qui n'est pas nouvelle, c'est plus que cela. Donc, il faut aller plus loin, c'est la perte de l'information. Mais en physique, nous savons depuis les années 60 du 20e siècle que la perte de l'information s'accompagne toujours de l'émission de la chaleur dans l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle le principe de Landauer, d'après un informaticien américain. Et c'est par ce principe de Landauer qu'on comprend que si on prolonge cette réflexion sur le mal propre de la machine, on comprendra quelque chose de très inhumain, c'est que pour la machine elle-même, la chaleur, c'est le mal. Et là, on retrouve d'ailleurs Frankenstein qui fuit en Arctique en disant « c'est seulement dans le froid que je me sens enfin bien ». Et c'est justement dans le froid, dans les pays du Nord, qu'on installe les ordinateurs qui stockent les données. Exactement. C'est assez vertigineux tout cela, Alexei Greenboom. Je vous remercie d'être venu nous en parler dans la conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre livre intitulé « Les robots et le mal ». Et je dis à la semaine prochaine à nos auditeurs. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Julie Garraud et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.